Zone Mag vous est présenté par Mag Music, votre disquaire à Amos depuis plus de 24 ans. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre édition de Zone Mag. Ça va bien, Karine? Oui, toi, Steve? Oui, une grosse fin de semaine en préparation, mais... Oh, que de plaisir! Oui! Ça vient! À venir la semaine prochaine. On vous en parle à un suivre. Peu. Suivre! On vous en parle un peu dans la fin d'émission, mais ça va être plus en détail la semaine prochaine, après avoir écouté. Oui, effectivement. On commence avec Bret Michael, le chanteur du célèbre groupe The Poison, sort un album solo, Jammings with Friends. Un album qui regroupe quelques chansons des meilleurs succès du groupe Poison et aussi plusieurs autres qui ont déjà été popularisées au courant de la décennie des années 80. Mm-hmm. On y retrouve quelques apparitions d'artistes connus tels que Loretta Lynn, Jimmy Buffett, Joe Perry, Ace Frehley, Mark McGrath et plusieurs autres. L'album comporte quand même quasiment une vingtaine de pièces, fait que c'est quand même un bon album en frais de durée. De durée, ouais. Pour les fans de hard rock ou de groupes tels que Cinderella, Def Leppard, Motley Crue et dans toutes les hair bands des années 80. Exactement, ouais. Vont apprécier l'album, ça c'est sûr et certain. Moi, je vous le conseille fortement. L'album rock du début jusqu'à la fin, il inclut quand même quelques ballades, mais tu sais, pas tant, là, mais... Ouais, mais tu sais, j'imagine que Every Rose balancé. Has Its Thorn doit être dessus. Ouais, là, okay. Exactement. Pour ma part, moi, je connaissais, tu sais, les principales de Poison, mais tu sais, en tant que tel, pour le fait du chanteur, j'en connaissais pas tant, mais j'ai bien aimé... c'est une belle découverte que j'ai faite cette semaine pour cet album. Fait que voici justement des extraits du tout dernier album de Bret Michaels, Jammings with Friends. Big wheels, they keep on turning. Carry me home, go see my kid. Singing songs about Southland. I miss Alabama once again, I think it's a sin. And wonder why I ever listen to them say you are not the one for me. But they're wrong, they don't see the things I see. On avait aussi Bob Sinclair qui revenait avec un autre album qui s'intitule Paris by Night. Bob Sinclair a commencé sa carrière comme disc-jockey en 86. Donc, ça fait quand même un petit bout. 27 ans même. Il passe son temps entre les patines puis les magasins à la recherche de nouvelles chansons pour pouvoir être capable de faire des mix, ouais, etc. En 90, il a fait DJ Yellow. Il a même créé sa propre maison de production, qui est le Yellow Production, qui fonctionne encore aujourd'hui. Il se spécialise surtout dans la soul, la hip-hop, la acid jazz, etc. Ses productions les plus personnelles et les plus anciennes sont produites sous le pseudo Mighty Bop. Puis je fouillais un peu sur Internet, puis il y a deux autres pseudonymes aussi sur lesquels il y a... Avant d'adopter Bob Sinclair, parce que Bob Sinclair, c'est pas son vrai nom, c'est Christophe, j'oublie son nom de famille, mais c'est plus ou moins important, tout le monde le connaît sur Bob Sinclair. Donc son nouvel album, Paris by Night, ça comprend plusieurs morceaux de samples célèbres tels que Faire l'amour de Rafaela Cara ou Les Adventures di Pinocchio de Fiorenzo Carpi pour le titre groupie. Donc peut-être que ceux qui sont plus habitués techno, non, rave, moi, hein, vont peut-être connaître un peu ces samples-là. Moi, personnellement, ça me dit rien. c'est un album... j'aime bien Bob Sinclair. Il a fait beaucoup de chansons que j'ai adorées. Cet album-là, je l'ai trouvé long à écouter. Puis c'est un album qui a pas beaucoup de paroles. C'est vraiment... Ça fait penser style musique un peu plus rave. Tu sais, où est-ce qu'il y a vraiment juste... Il n'est pas vraiment habitué non plus à ça venant de lui, parce qu'il y avait quand même plusieurs pièces qu'on connaissait de lui qui étaient chantées. Oui, c'est ça, oui. Déjà là, à la base, les pièces sont déjà très longues. Mais là, pas de paroles. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est souvent ce qui arrive, c'est qu'on a l'impression que c'est tout le temps redondant, le même beat. C'est ça, ça revient. Ça revient comme trop redondant. Puis il y a peut-être une quinzaine de chansons, puis... J'étais pas le seul là, à l'écouter là, dans le véhicule, puis on était tous comme « Ouais, finalement, celui-là... » Souvent, on a des grosses attentes parce que... Parce que c'est un gros nom. C'est Bob Sinclair. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais sûrement que ça va plaire aux amateurs. Ouais, c'est pas un mauvais album en tant que tel. Moi, c'est pas venu me chercher. Moi, j'ai trouvé ça trop redondant, trop long. Puis... Mais c'est ça, t'as peut-être pas dans le beat non plus, t'sais, surtout t'sais, là l'été dans la journée tu vas sur la plage, puis c'est peut-être un peu plus reggae, mettons, que rave, donc peut-être que juste être dans un beat différent, dans un endroit différent, peut-être que ça changerait un peu le beat, de la perception de l'album. Donc on va vous faire écouter quelques extraits de Bob Sinclair, Paris by Night. Alex Ferrari, chanteur brésilien de musique pop latino, sort son album Barra Berre. Premier album pour l'artiste, et ce n'est sûrement pas le dernier. On l'a découvert avec la pièce titre de l'album Barra Barra Berre Berre qui a passé maintes et maintes fois sur nos radios depuis quelques mois. La totale de l'album a du rythme et est agencée aussi avec des belles mélodies dans le sens que c'est pas, ça revient pas tout le temps au même parce que des fois, dans ce style-là, on a l'impression que la musicalité est souvent semblable. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment aimé l'album, puis l'album est beaucoup, sans être mixé, a quand même un bon rythme de fond. Okay. Fait que tu sais, ça fait un bon mélange avec la musique latino, tu sais, avec la saison estivale justement, des fois ça s'agence mieux aussi avec le reggae, ben tu sais, on va avoir tendance à écouter plus ce type de musique. Voici quelques extraits qui peut-être vous convaincront d'acheter le CD. Voici Alex Ferrari et son album Barra Berre. Assim ó, bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere, é Alex Ferrari fazendo bara bere. Haha, isso é Alex Ferrari. Vem comigo assim, hein? Aussi Ariel Dombas qui sortait l'album By Era. Ariel Dombas, c'est une actrice, chanteuse, réalisatrice, scénariste franco-américaine. Donc elle a fait tout. Elle fait tout. Si je me rappelle bien, c'est 55 ans qu'elle est rendue. Donc ça fait quand même un petit bout qu'elle fait Carole Sabas, puis elle a plusieurs albums à son actif. Là. Celui-là, vous la connaissez peut-être entre autres pour un rôle qu'elle a joué dans Miami Vice ou dans la mini-série Nuit secrète. Peut-être que si jamais vous avez écouté ces ceux-là. Cet album-là, By Era, ça a été une collaboration avec Eric Lévy, qui est le musicien créateur du groupe Era, que ceux qui connaissent Era qui font la musique, je dirais pas ambiante, mais... Nouvel âge. Ouais, New Age, c'est ça, souvent eux, pas de parole. Ouais. Donc, pour celui-là, c'est une collaboration, donc ça va avec la musique New Age, puis les paroles de la chanteuse. C'est un mélange qui est assez surprenant, parce que ça donne l'impression de rave, techno, tu sais, du électro, la musique électro, mais avec du chant un peu plus opéra. Donc, on y retrouve des titres comme Ave Maria, L'Adagio de Barber, la cinquième symphonie de Mahler. Donc, c'est vraiment des titres qui sont beaucoup plus classiques. Ouais, c'est ça. Comme je dis, c'est quelque chose qui est... On entend, je dirais, très rarement ça, parce que c'est rare quand on va voir un mélange d'électronique avec du classique, opéra. C'est ça. Mais ça fait un mélange qui est assez intéressant. Donc, je vous invite à écouter les quelques extraits que voici de Ariel Dombas by Hera. Il y a des nouveautés CD, la suite. Il y avait Ciara avec son album Ciara dans le pop rock. Côté musique du monde, on avait Karim Diouf avec Aduna. Côté compilation, on avait le Z1035 Hit 2013. On avait aussi MC Mario qui sortait un album compilation s'intitulant Summer Anthems 2013. Côté hip-hop, Jay-Z sort son album Magnac Carta Holy Grail. Côté country, on avait Travis Tritt qui sortait un album Calm After. Dans les DVD Blu-ray, on avait le film Laissé pour mort qui sortait, qui met en vedette Colin Farrell et Noémie Rapace. Vous replacez pas Noémie Rapace, c'est elle qui jouait dans Prometheus, qui est peut-être un peu plus, pas un peu plus vieux, mais qui ça fait quelque temps qu'il est sorti, donc ça vous permet peut-être de situer l'actrice. Donc, le film, c'est un film d'action. Ça raconte l'histoire de Victor, qui est le bras droit d'Alphonse, un cahier de New-Yorkais. Puis, il y a quelqu'un qui s'en prend à leur gang. Puis, les hommes d'Alphonse sont abattus un à un. Puis, eux reçoivent des messages essayant de faire deviner pourquoi que ça semble être une genre de vengeance. Là, puis, on ne sait pas trop pourquoi. Puis, Victor fait la connaissance de Béatrice, qui est jouée par Noémie Rapace, une Française qui vit avec sa mère, dont il tombe amoureux tout de suite, mais on sent tout de suite qu'il y a une attirance, là, un envers l'autre, parce que c'est pas juste lui envers c'est elle. Pas elle juste aussi, côté. Elle a. Finalement, elle a eu un accident d'auto. Puis elle cherche à se venger de celui qui l'a frappé parce que lui a pogné, si je me rappelle bien, c'est 3 semaines. Là, c'est quelque chose comme assez ridicule pour ce qu'il a fait. Parce qu'il était en état d'ébriété. En fait plus. C'est ça. Donc elle cherche à se venger. Puis elle a vu Victor tuer quelqu'un dans son appartement. Donc tout de suite, ça a fait comme « Oh, c'est lui, ça me prend. » C'est mon homme. C'est ça, donc ça raconte un peu cette histoire-là, tu sais, autant à la découverte de qui va faire, qui assassine les hommes d'Alphonse, et un peu de l'histoire du côté de Béatrice qui cherche à se venger. Puis donc le film commence tout de suite dans l'action. Il y a pas de présentation, il y a pas de, je vais dire entre guillemets, là, du niaisage, là, mais oui. Tu sais, c'est il y a pas de préliminaire. Non, on commence, c'est Alphonse, là, il y a déjà un homme de mort dans le premier, ça commence comme ça, là. Fait que là, ils sont tout de suite sur le pied de guerre, puis à essayer de chercher qu'est-ce qui se passe, puis on nous présente Béatrice à l'écran, tu sais, tout de suite, puis on sait pas non plus au départ, on sait pas que c'est un accident de voiture qu'elle a eu, qu'on apprend tout au long du film, mais on sait, t'sais, c'est ça, on sait pas qu'est-ce qu'elle a, on sait pas pourquoi qu'elle a eu son accident, puis elle vient de sortir de l'hôpital parce qu'on la voit au début, là, elle se fait enlever ses bandages, là, donc c'est quand même assez récent. Le film a quand même beaucoup d'action. Je dirais pas des longueurs, mais je dirais plus des temps morts durant le film, parce que le film dure presque 2 heures, ouais, c'est ça, c'est 1h57, donc, parce que quand il n'y a pas d'action, on pourrait dire que c'est les temps morts, mais les temps morts nous en apprennent davantage sur les personnages. Puis on a de l'interaction entre eux autres, justement, du fait qu'ils sont attirés un par l'autre, puis que finalement, tu sais, ils se rapprochent un peu plus, puis j'aime ça, ce genre de film-là, parce que justement, ça te permet de pas avoir de longueur, puis tu commences tout de suite dans le vif du sujet. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. T'es accroché tout de suite. Là. C'est vraiment intéressant. Puis c'est un excellent film de vengeance. Je pourrais comparer un peu, c'est pas tout à fait le même principe, mais c'est dans le style de Punisher. Puis. Okay, ouais. Si vous avez aimé le Punisher, il n'y a aucune raison que vous n'aimez pas celui-là. Là. Okay. Ça vaut vraiment la peine. Puis. Comme je te disais avant de faire l'émission, je vais faire une petite exception. Normalement, on ne fait pas jouer de chansons qui sont tirées du film ou qu'on entend soit dans le générique ou dans la bande-annonce ou peu importe. Mais celui-là, il y en a une qui m'a... ça a été systématiquement aussitôt que j'ai tombé sur cette chanson-là dans le générique. J'ai fait « waouh » parce que de un, elle est en français. Ce qui est très rare pour un film américain. Ce qui est très rare. Sauf que, comme je te disais, c'est probablement dû au fait que Béatrice, c'est une Française, donc ils ont voulu aller chercher un petit côté. La chanson, elle a déjà du punch. Elle a déjà un petit quelque chose, mais après, quand tu as vu le film, elle prend comme tout un autre sens. Fait que je vais vous le faire écouter. Fait que peut-être que pour vous autres, ça vous dira pas grand-chose, mais je vous invite à aller écouter le film. Puis à réécouter la chanson peut-être après. Puis vous allez voir. C'est Zaz qui chante cette chanson-là, qui est Ébloui par la nuit, qui est tirée de son premier album en 2010. Elle en a un deuxième qui est sorti ce printemps, là. Ouais, ça fait pas si longtemps que non. ça, ouais. Donc, c'est ça. Je vais vous faire écouter Zaz, Ébloui par la nuit. Puis Dead Man Down, c'est clair que ça se ramasse dans ma bibliothèque. Ça, je passerai pas à côté de celui-là. Les autres sorties côté film, on a Admission, une comédie. Du côté télésérie, on retrouve 1 sur 2, saison 1. Côté thriller, on retrouve le film Allégeance. En fin de semaine, en fait, à partir de mercredi, donc pour ceux qui nous écoutent à la radio, c'est à partir d'hier, l'édition 2013 du festival H2O qui se déroule à Amos. Donc, il y a plusieurs activités qui sont à l'honneur, dont les courses de bateaux dragon, le défi aqualouveto, les jeux d'eau pour les enfants, des essais de kayak sur l'Arikana. Il y a même du surf qui va être sur une genre de plateforme là, sur le bord de l'Arikana, oui, là, près de l'Agora naturelle, là, si jamais ça vous intéresse. Il y a aussi, évidemment, plein de beaux spectacles. Donc, mercredi, c'est Bob Bissonnette et le groupe Brainwash. Jeudi, on va avoir Cire Pathétique et Anna de Jay. Puis, les Vikings, qui est un groupe formé par Richard Petit, avec la collaboration de Wilfred Leboutillier, Jean-Marc Couture, Andréane Leclerc, Jason Roy-Léveillé, Eva Evila et plusieurs autres. Donc ça, c'est le spectacle de vendredi. Ouais. Puis, pour finir la soirée, il y a le groupe Trip à 4. Le samedi, ce sera au tour de Patrick Normand à être sur scène. Donc ça risque probablement d'être une grosse soirée ça aussi. Ouais. Donc on vous invite tous à peut-être aller visiter le site de h2olefestival.com pour avoir les programmations plus en détail. La totale. Parce qu'il y a des... Là, on a parlé des activités vite fait, mais il y en a toute la journée. Vendredi toute la journée, samedi. C'est ça. Donc, autant pour les enfants que pour les plus grands. Puis, pour les festivals, ben c'est à l'Agora naturelle. Donc, que ça se passe. Ceux que ça intéresse. Donc, c'est tout pour cette semaine. Puis la semaine prochaine, peut-être qu'on va faire un peu moins de CD. On va peut-être plus vous parler des spectacles justement du H2O qu'on va avoir été voir parce que moi, je vais être là toute la fin de semaine. Je sais pas, Karine, si toi, ouais, tu y allais. Ouais. On va aller faire un tour aussi. Donc, on va avoir plein de trucs à vous dire. Ça, c'est sûr et certain. Donc, à la semaine prochaine. Bye-bye. Bye. Zone Mag vous est présentée par Mag Music, votre disquaire à Amos depuis plus de 24 ans.